AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. C-L-I-T-O-R-I-S. Au-delà du clitoris. C-L-I-T-O-R-I-S. Se reconstruire. Un documentaire de Nejma Bouakra. Est-ce que l'on sait, lorsque l'on est enfant, qui est excisé, qui a subi une infibulation autour de soi? Alors, est-ce que quand on est excisé ou infibulé, on le sait? Moi, j'ai subi la mutilation sexuelle féminine, excision, et puis clitoridectomie, excision et infibulation. Mais je vous avoue que j'ai grandi tout le temps avec ce sentiment que mon sexe a été touché, mon sexe a été mutilé. Mais on le refoule, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, on grandit avec, il est à l'intérieur, en fait, il est partie intégrante de notre vie au quotidien. C'est seulement plus tard qu'on va prendre conscience de cette violence qui a failli nous coûter la vie, mais avec un petit peu de chance, on a survécu. Ce sexe, on le regarde lorsqu'on est enfant? Ou on le met de côté? Je ne le regardais pas beaucoup, j'avoue. Non, je ne le regardais pas beaucoup. Et on n'était pas dans une culture non plus, ou dans une tradition où on faisait attention au sens on va le toucher, on va s'intéresser. Non. On est né avec un sexe féminin, il faut qu'il soit excisé, c'est la tradition qui le demande, qui l'exige. Voilà, il faut faire en sorte de l'intégrer comme étant une partie qui va vous rendre femme, parce qu'il faudra se marier, parce qu'il faudra avoir des enfants. Voilà, on grandit avec un sexe qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas découvrir. Pour que la société en profite, elle en profite dans son projet de faire en sorte que la fille, une fois majeure, il faudrait qu'elle pense à se marier. Une fois mariée, il faut qu'elle pense avoir des enfants. C'est toute cette logique-là. Mais notre sexe, enfin mon sexe en tant que fillette, en tant que femme, il n'existe pas pour soi-même. C'est pour ça qu'il est caché. Contrairement d'ailleurs à la circoncision des garçons qui, elle, va faire l'objet de festivités, de cérémonies. L'excision, ça se fait en cachette. Ça se fait en cachette avec une mission bien déterminée où toute la société, implicitement, s'est mise d'accord pour que le sexe des fillettes, le sexe des femmes, soit effectivement marqué, contrôlé. Mais toujours clandestinement, bien évidemment. Sabrine El-Razzaz, réalisatrice, artiviste, comme vous aimez à le préciser. Mais le « vous » ici est assez formel. Au carrefour des années 2000, nous nous sommes rencontrés, toi et moi, les cheveux délavés, jaune vif pour toi, rose pour moi, et la question du désir a happé nos conversations. Ce grand terrain vague, nous l'arpentions très sérieusement avec nos pantalons de chantier, émus par un appel impérieux, vivre nos désirs en toute liberté. Ce documentaire n'aurait pas pu être pensé sans toi. Ici, tu ne parles pas au nom de toutes les femmes concernées, mais à partir de ton histoire et de ton implication professionnelle à Amnesty International contre les mutilations sexuelles féminines. Aujourd'hui, il est communément admis que le sexe des femmes peut être réparé. La chirurgie reconstructrice est enseignée dans les écoles de médecine, une opération médicale simple et largement pratiquée. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être réparé? J'entends le bruit du moteur d'une 404 dans le désert et je me dis que le sexe mutilé des femmes n'est pas l'objet d'une panne mécanique et qu'un chirurgien, fût-il bon, n'a pas à lui seul toutes les clés en main. Être réparé ou se réparer ? C'est à toi que je pose la question, à chacune d'y répondre à sa manière. Près de 200 millions de femmes dans le monde et 500 000 en Europe sont concernées par les mutilations sexuelles féminines. Alors disons que les mutilations génitales féminines... Armelle Andreau, sociodémographe à l'université Paris-1-Sorbonne. Dans le monde contemporain, elles sont effectivement pratiquées plutôt de manière traditionnelle comme étant un des rites de passage à l'âge adulte pour les filles, comme il y a la circoncision pour les garçons, il y a l'excision ou les mutilations génitales pour les filles, qui serait une forme d'inscription dans les corps de la masculinité d'une part, en coupant ce qui relèverait d'une dimension féminine chez les garçons, et à l'inverse, l'inscription dans la féminité pour les filles, en coupant ce qui relève d'une forme de masculinité chez elles. Dans les textes religieux, ou en tout cas dans les traditions orales qui essayent de justifier le pourquoi de ces rituels de passage à l'âge adulte, l'idée que le corps doit pas rester dans son état naturel, mais qu'il doit être inscrit dans la société. Et pour ce faire, les adultes doivent intervenir sur ce corps et donc en couper un morceau pour le faire entrer dans l'humanité qui est inscrite dans ce système binaire qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, et que quand on quitte le stade de l'enfance, il faut qu'on s'inscrive dans l'un des deux sexes de manière claire et définitive. Dans un certain nombre de cultures traditionnelles, c'est passé à travers donc cette coupure. Par ailleurs, l'excision du sexe des femmes, c'est aussi quelque chose qui a pu être pratiqué dans les pays européens jusqu'au début du XXe siècle. Pour là encore, le monde médical considérait que certains corps de femmes, ou certaines femmes en général, n'étaient pas suffisamment inscrites comme elles devraient l'être dans la féminité, parce que leur appareil génital avait un clitoris trop proéminent, ou parce qu'elles avaient des pratiques sexuelles un peu trop débordantes. Et donc on a pratiqué des excisions en Europe, sur justification médicale, pour féminiser des individus qui ne l'étaient pas assez, jusque quasiment à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Comme on le voit, on s'embarrasse pas en médecine depuis longtemps de trancher dans le vif du sujet quand il s'agit du sexe des femmes. Delphine Gardet, historienne et sociologue. Donc on coupe, on abrase, donc Isaac Baker Brown en Angleterre au milieu du 19e siècle, hein, qui va être exclu finalement de la société de gynécologie londonienne parce qu'il procède à des excisions médicales en nombre et qu'il s'en vante, qu'il en fait publicité. On a donc ces médecins américains qui font ça jusqu'aux années 20-30. On l'a fait en France, dans toute l'Europe on l'a fait. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde aussi tout ce qui est la clinique de la réassignation de sexe pour les personnes de développement sexuel dit atypique. Auparavant, il y a très longtemps, on parlait d'hermaphrodisme, et puis à partir de la fin du 19e, jusqu'aux années 70-80 du 20e siècle, on parle d'intersexualité. Alors là, quand il s'agit de réparer les intersexuels, pour les réassigner, là, pour l'essentiel, entre les années 50 et les années 80-90 en France, on fait de la réassignation vers le féminin, c'est-à-dire qu'on enlève... On coupe et on enlève le clitoris. Donc, enlever le clitoris, c'est quand même quelque chose qu'on sait très bien faire en Occident. On croit qu'il n'y a qu'en Orient qu'on abrase, qu'on mutile, qu'on enlève. Mais en fait, il existe de très nombreux espaces de pratiques d'éradication du clitoris en Occident dans différents types de cliniques et jusque très tard dans différents contextes. Pour les femmes hétérosexuelles de la haute société jusqu'en 1920, pour les personnes au développement sexuel atypique jusque dans les années 70, peut-être 80. Sabrine Elrazas. Être excisée et avoir des rapports, je pense que... Il y a une appréhension quand même, une appréhension de la douleur ou une appréhension de la difficulté de l'acte, je pense, dans la pénétration, me semble-t-il. Mais c'est vrai que ma sœur aînée, qui, elle, a été excisée, la première nuit, en tout cas le rapport sexuel n'a pas été si plaisant que ça. C'était douloureux, le rapport était douloureux. D'ailleurs, même quand elle a été enceinte, la grossesse était difficile. Et je me rappelle très bien que les deux enfants qu'elle a eus, elle l'a eu par césarienne, parce que par la voie, je dirais, naturelle, habituelle, c'était très petit. Et c'est normal que quand on a une excision, quand on a subi une excision, quelle que soit sa forme, les petites lèvres qui ont tendance à jouer comme une plastique pour ouvrir, justement, pour faciliter l'ouverture au nouveau-né, ne se fait pas. Et du coup, ma sœur était obligée de subir deux césariennes. Et d'ailleurs, elle voulait un troisième enfant, mais la douleur et la complexité et l'expérience des deux lui a fait dire pas un troisième, c'est pas la peine un troisième. Comme d'habitude, encore une fois, quand ça touche à la sexualité des fillettes ou des femmes, on va savoir des choses, on va entendre des choses, mais il n'y aura pas une éducation sexuelle dans ce sens-là, d'une manière, je dirais, claire. Non, on va parler plutôt des règles. La grande sœur ne dit rien. Non, elle ne dit rien au sens, je dirais, explicite du terme. Elle va faire passer des messages par allusion, par plaisanterie. Ça, ce sont des approches chez nous, dans notre culture, qui sont effectivement monnaie courante. Mais dire les choses d'une manière explicite, directe, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que nous, en tant qu'excisés, on ne nous a pas forcément dit qu'on t'a excisé, on vous a excisé, vous. Non. Malgré ça, on grandit avec cette certitude que notre sexe a été marqué. Encore une fois, si elles sont infibulées, comme moi je l'étais, la pénétration est quasi impossible. La féministe Colette Guillaumin évoque l'excision en nommant le fait qu'il s'agit d'un geste d'appropriation collective. Ce n'est pas seulement un acte dans une famille, c'est une appropriation collective des femmes. Les hommes. Alors, tout ce que Colette Guillaumin décrit comme les différentes formes de sexage, c'est-à-dire qu'effectivement de construction et d'inscription des femmes dans la classe des femmes, c'est-à-dire de les contraindre, de les soumettre aux différents rôles sociaux qu'elles sont censées jouer, rôle de mère, d'épouse et donc d'individu disponible et dont le travail gratuit peut être approprié. Et effectivement, la question de la sexualité, du contrôle de la sexualité, donc de la reproduction notamment, mais aussi du plaisir et de la capacité d'agir, doit être appropriée et mise sous contrôle dans les sociétés humaines, donc par les hommes ou plus généralement par l'organisation sociale dans laquelle les femmes les plus âgées jouent aussi un rôle dans la reproduction de cette organisation et de ce classement, de cette hiérarchisation, de cette domination des femmes par les hommes. La tradition à Djibouti, dès lors qu'il y a des filles, il faut que les filles soient excisées. Maintenant, il est vrai que depuis plus de 30 ans, il y a des campagnes contre l'excision, contre les mutilations sexuelles féminines à Djibouti, et à la faveur aussi d'une prise de conscience globale, mondiale, des droits des femmes, à la faveur aussi d'une éducation de plus en plus importante de la classe moyenne, donc des jeunes femmes. Il y a une tendance soit que l'excision ne se fasse pas, ou soit si elle se fait, elle se fera d'une manière... amoindrie, si j'ose dire, même si pour moi, toute mutilation sexuelle féminine, aussi moindre soit-elle, est une violation grave des droits des fillettes et des droits des femmes. Mais en tout cas, le risque est là, dès lors qu'il y a une naissance de fille, elle est destinée, elle est prédestinée effectivement à un risque en tout cas d'excision. Et puis la prévalence même à Djibouti le dit, on est quand même entre 90 à 93% de nos jours, donc ce qui fait que le risque est permanent. C'est tacitement autorisé, en ce sens qu'il y a un accord de toute la tradition, il y a un accord de toute la société pour dire que les filles doivent passer par ce passage impératif, obligatoire. Pour autant, il y a toujours cette ambiguïté, voire ce que j'appelle moi une hypocrisie au fait. C'est-à-dire qu'on sait inconsciemment que ça fait mal, on sait que ça ne doit pas se faire, mais il faut le faire, ne serait-ce que pour obéir encore une fois à cette espèce de logique folle, dominante, hétérosociale, hétéropatriarcale, parce qu'il y a, il y a un but hétéronormatif, il y a un but normé, il y a un but d'arriver à ce que les femmes, les fillettes, les futures femmes évoluent dans un sens et pas dans un autre. Cet acte-là est un passage obligé pour devenir femme. Alors, dans leur logique, oui, il faut être excisé pour parfaire tout ce parcours. Un parcours qui va commencer par garantir la virginité, puis contrôler le désir. C'est-à-dire que le désir ne sera orienté que pour une seule personne, qui sera donc cet homme-là. Et puis, le parcours sera parfait pour être une femme de maison, hein, une femme de foyer, et donc garantir une super éducation pour les enfants. Autrement dit, un parcours linéaire, patriarcal, que dans un seul plaisir, qui est celui des hommes. Et c'est pour ça que, quand je parle de mon lesbianisme, je suis très émue, parce que tout ce parcours-là, en étant effectivement lesbienne, eh ben je l'ai complètement cassé, en fait. Et je suis très fière, parce que du coup, je n'ai pas obéi à cette logique, à cette tradition. Et je trouve ça super. C'est ça qui m'a rendue heureuse, c'est d'avoir détourné mon sexe, ma vulve, du destin qui lui était prédestiné, qui lui était exigé. Mon sexe a dit non lui-même, parce que j'ai jamais été avec des hommes, donc voilà. Je suis plutôt fière de mon clitoris, même s'il a été malheureusement malmené. Mais bon, en tant que survivante, je pense que et lesbienne, avoir cette prise de conscience, c'était salvateur, vraiment. L'insistance des féministes africaines ou des femmes concernées était peut-être aussi d'insister sur des expériences de vie, des savoirs situés, sur le fait qu'il n'y ait pas une excision, une forme d'excision, comme on se la représente souvent, une petite fille sur un panneau, avec la question de la lame et du sang, mais des excisions plurielles et puis des façons de vivre l'excision différentes, selon les femmes concernées. Voilà, c'est absolument ça l'enjeu autour de cette question, c'est qu'effectivement, Armelle Andreau, l'excision et les mutilations génitales ayant été considérées comme une forme de violence représentative de la forme la plus forte de violence de genre possible, finalement, à la fois on en parle beaucoup, Et à la fois, on laisse très peu la parole aux femmes concernées, parce que comme l'excision est un symbole, finalement, les expériences réelles et pratiques des femmes concernées pourraient justement le rendre les choses un peu trop factuelles et en transformer la dimension symbolique. Donc finalement, c'est ce que les femmes concernées reprochait beaucoup à toutes les militantes et activistes qui travaillaient sur ces questions, c'est de dire finalement, en réalité, les séquelles que nous avons ou pas liées à ces mutilations, ça vous intéresse pas et on n'en parle pas beaucoup, voire on n'en parle jamais. C'était d'ailleurs l'ambition de cette enquête qu'on a menée avec ma collègue Marie-Lise Klingant au début des années 2000, où pour la première fois, on a pu, en France, interroger plus de 700 femmes concernées et pour leur demander très précisément, bon, ben alors, au quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sexuelle, dans l'histoire de vos grossesses et de vos accouchements, qu'est-ce que ça vous a posé comme problème d'être excisée ? Donc il y a eu plein d'autres études dans d'autres pays qui ont été menées aussi dans cette perspective pour essayer justement de sortir de cette idée juste symbolique de la violence horrible qu'était l'excision, mais pour rentrer dans une approche beaucoup plus pragmatique, de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les femmes concernées et leur apporter les soins nécessaires dont elles pourraient avoir besoin. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu à travers toutes ces études, donc la nôtre en France, mais toutes celles menées ailleurs aussi, que il n'y a pas qu'une seule femme excisée. Les séquelles sont extrêmement variables d'une personne à l'autre. Les répercussions sur la vie sexuelle peuvent être aussi extrêmement variables d'une femme à l'autre. Et donc, sortir de la représentation symbolique de l'excision comme étant un phénomène homogène, c'est vraiment l'enjeu de toutes les recherches contemporaines sur le sujet. Je pense que la prise de conscience était déjà bien présente dans les années 70, dans les années 80 en Afrique. Moi, je me rappelle l'histoire, nous le dit que par exemple le CIAF, le Comité interafricain de lutte contre les mutilations, à l'époque c'était mutilation génitale féminine, était un comité créé à Addis Abeba et qui a continué à mener des campagnes de sensibilisation, d'information. Alors, à l'époque, c'était toujours sous le prisme médical. Ça portait aussi atteinte à une grossesse qui n'allait pas être menée à son terme et qui, de fait aussi, pourra menacer la vie du nouveau-né. Le taux de mortalité chez les nouveaux-nés était quand même assez élevé, en tout cas pour le prendre en considération comme étant une conséquence directe. Et puis, ce sont des luttes qui ont persisté, qui ont eu leur summum, je dirais, historique et politique, moi c'est comme ça que je le vois, en 2003, avec la signature du protocole de Maputo au Mozambique. Et puis, il y a eu une évolution quand même à partir des années, je dirais, 2000, où les mutilations sexuelles féminines n'étaient plus vues uniquement sous le prisme exclusif médical, mais que ça portait atteinte carrément à la vie des filles et des femmes, qui étaient la moitié quand même de la population. Et que ça portait aussi atteinte à la sexualité. Il ne s'agissait pas juste d'un clitoris ou de la vulve, ou des lèvres en tout cas, mais il s'agissait quand même du corps des filles. On passe finalement uniquement d'une question de santé à une question de droit humain, de dignité. Tout à fait, tout à fait. Cette évolution-là, elle est quand même importante. Elle a mis du temps. Et en règle générale, elle rappelle un petit peu aussi la prise de conscience par rapport aux droits des femmes en général. Quand on voit que, par exemple, les Nations Unies, c'est qu'en 1979 seulement qu'ils ont pris conscience que les droits des femmes étaient des droits humains. Que tout le monde était égal, oui, sauf que tout le monde n'était pas égal face aux violations. Et qu'il y avait des violences sexo-spécifiques. Et qu'il y avait des violences systématiques contre les filles et les femmes. Cette logique-là n'a été prise en conscience que très tardivement. Mmh, ouais, ali juguluka ezizamoya konia namoromi wala oyekeli jugu edunya ezizamoya. Alors traditionnellement, depuis les années 80, Armel Andro, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a élaboré une typologie des mutilations génitales féminines qu'elle catégorise en gros trois types, plus un quatrième qui est un peu flou. Donc un premier type de mutilation génitale qui serait basé sur le fait qu'il y ait une coupure seulement du gland du clitoris. Une deuxième catégorie qui sont les catégories qu'on retrouve le plus fréquemment en théorie en France, puisque pratiquées en Afrique de l'Ouest, ce seraient celles qui recoupent les coupures où on touche à la fois, on coupe le gland du clitoris, mais on coupe aussi les petites lèvres. Et puis il y a un troisième type de mutilation génitale qui est beaucoup plus pratiquée en Afrique de l'Est, qu'on appelle les infibulations, où là il y a une couture qui est effectuée sur les grandes lèvres et qui ont d'autres séquelles à long terme très très handicapantes, mais qui sont un peu différentes des deux premières formes. En pratique, cette typologie n'est pas toujours totalement efficace pour décrire la réalité des conséquences des mutilations pour les femmes. Parce que ce qui compte aussi beaucoup, c'est pas tant ce qu'on a voulu couper que le contexte dans lequel ça s'est fait. Et là, on voit beaucoup de différences dans les séquelles entre les mutilations qui ont eu lieu de manière traditionnelle, par une exciseuse traditionnelle, avec des conséquences plus ou moins délétères en matière de coupure, et les mutilations qui ont lieu en milieu hospitalier, en milieu médicalisé, qui sont aussi de plus en plus fréquentes depuis la fin du XXe siècle. Dans certains pays, en Afrique subsaharienne ou en Égypte ou encore en Indonésie, les excisions sont essentiellement médicalisées. C'est-à-dire que c'est des professionnels de santé qui se font payer pour réaliser cet acte, qui continue à avoir des conséquences délétères sur les muscles, sur les nerfs, sur le périnée, etc. Mais par contre, qui sont réalisés dans un contexte plus safe en matière d'infection ou de séquelles. Même si il y a encore eu récemment un article dans la presse internationale qui rapportait le cas d'une petite fille qui a été excisée en Égypte par un professionnel de santé et qui est décédée d'une hémorragie des suites de cette excision. Donc, il n'y a aucune bonne excision. Dans tous les cas, les séquelles sont importantes, mais disons que les risques, quand même, sont très conditionnés par le contexte dans lequel elle a été effectuée. Dans votre pratique, docteur Yasmine Abdoulkadir, vous dites que les mutilations génitales, ça concerne le clitoris, mais pas seulement, l'ensemble de l'appareil génital. Ça peut concerner les petites, les grandes lèvres, ça peut fermer l'introïtus vaginal. Il peut y avoir des formes où on allonge les lèvres, donc il y a le stretching des lèvres par exemple, ou d'autres formes où on met quelque chose à l'intérieur du vagin pour les rétrécir. Le risque, c'est qu'on se concentre que sur le clitoris. C'est pas que le clitoris. Et aussi, quand on parle de santé sexuelle, ce n'est pas juste le clitoris. C'est le cerveau, c'est les hormones, c'est beaucoup de... C'est la vulve en général. Mais bon, c'est une bonne chose qu'il y ait plus de connaissances sur le clitoris, parce que c'est des connaissances qui existaient déjà, mais qui avaient un peu disparu et qui reviennent. Néanmoins, lors des opérations que vous menez, elles peuvent concerner d'autres parties de l'appareil génital. C'est cela que vous découvrez à chaque rencontre. Lors des opérations, on peut faire des désinfibulations, par exemple. C'est-à-dire, les femmes qui ont une infibulation, une fermeture des organes génitaux, on a suturé les petites ou les grandes lèvres, ben, on sépare les lèvres et on les reconstruit. Et comme ça, on réexpose l'orifice pour uriner, pour faire pipi, et l'orifice vaginal. Et parfois, on réexpose un clitoris intact, qui est sous la cicatrice, qui n'a pas été coupée. Et cette désinfibulation est une chirurgie plus simple de la reconstruction du clitoris du point de vue technique, mais là aussi il y a des grandes complexités en termes de changements culturels, physiologiques. Imaginez par exemple la façon d'uriner. Quand les organes ont été fermés, uriner peut prendre plusieurs minutes, même 10-15 minutes, et l'urine sort goutte à goutte, lentement, sans faire du bruit. Tout ça, c'est considéré normal et poli. L'effet d'uriner rapidement, vite, c'est un peu considéré masculin et vulgaire. Donc tous ces changements qui arrivent en 5-10 minutes de chirurgie est hyper important pour la femme. Et quand cette chirurgie est discutée avant un mariage, souvent l'infibulation est associée à la virginité prématrimoniale. Donc des femmes qui souffrent par exemple de graves complications urinaires pourraient refuser la chirurgie si on n'explique pas bien qu'on ne touche pas la virginité, que c'est pour la santé génito-urinaire de la femme, pour garantir le flux menstruel. Donc c'est vraiment une chirurgie qui fait une promotion globale de la santé d'une femme infibulée, sexuelle, obstétricale, gynécologique. Ça permet aussi d'effectuer les examens. Mais c'est un changement qui demande un processus qui peut être complexe. RFI, 7 janvier 2004. Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé, aujourd'hui consacrée à la chirurgie reconstructrice de l'excision. Le docteur Pierre Foldès a mis au point une technique efficace de chirurgie réparatrice de l'excision. Il parvient à reconstituer un clitoris aux femmes excisées et parfois à leur rendre la sensibilité. Après avoir travaillé auprès de Mère Teresa et pour Médecins du Monde, il a entre autres opéré en Afrique, il travaille maintenant en région parisienne comme chirurgien à la clinique Louis XIV de Saint-Germain-en-Laye. Docteur Pierre Foldès, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce problème de l'excision ? Alors très simplement, en cours de mission humanitaire en Afrique, Burkina, Mali, Niger, où j'allais pour différentes associations et où nous avions été amenés d'abord, non pas à traiter les mutilations sexuelles directement, mais à leurs conséquences. Des problèmes qui se passent au moment de l'accouchement. En périnatalité, au moment de l'accouchement. En partie dû à l'excision. Alors, l'une des choses que nous avons constatées, en dehors de l'extrême gravité de ces lésions qui entraînent souvent la mort, et du bébé et de la mère, l'une des causes était les mutilations sexuelles, dont on sait qu'elles aggravent considérablement l'obstétrique. Et à ce propos, j'ai été amené tout à fait par hasard, et les débuts de ces techniques peuvent être un petit peu empiriques et dus au hasard. Des femmes sont venues me voir, parce que je faisais de la chirurgie plastique de reconstruction, en me demandant, en me montrant leurs cicatrices d'excision, et en me disant qu'elles en souffraient de façon répétée ou grave. Ça leur faisait mal, et elles se consultaient pour ça. Donc l'idée est venue, de toute façon tout à fait empirique, il y a environ 25 ans, de voir si on ne pouvait pas essayer de réparer. Est-ce que vous pouvez réparer toutes les formes d'excision ? Alors, on peut tout réparer. Il faut savoir que l'infibulation avait déjà fait l'objet de quelques tentatives. Le professeur Pagnel à Créteil a cette expérience. Il y a des équipes italiennes et une équipe à Boston qui avaient commencé à faire des désinfibulations. Mais le clitoris, personne n'avait jamais pensé à le réparer. On peut toujours tout réparer. Et cette technique peut s'adapter par le gain de longueur obtenu à toutes les formes d'excision. Déjà, je me permets de dire qu'on ne répare pas les femmes. Ça, j'insiste toujours. On ne répare pas les femmes. Docteur Yasmine Abdoulkadir, gynécologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Les femmes se réparent si elles doivent se réparer toutes seules. Et il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'être réparées. Il s'agit des femmes complètes, excisées, circoncises ou infibulées, mais il s'agit de femmes. Le mot réparation pose question. Réparer une femme, c'est un geste de sauveur. Je réponds avec les mots que j'utilise en consultation. Moi, je n'utilise jamais de mot réparation, je l'utilise que si c'est la femme qui l'utilise. Et c'est la même chose pour mutilation génitale. Là, pendant cet entretien, j'ai parfois parlé d'excision, parfois de mutilation. En fait, chaque femme a un vécu différent. Alors, il y a des femmes qui se sentent mutilées, des femmes qui ne se sont pas mutilées, des femmes qui se sentent victimes, d'autres qui ne se sentent pas victimes, des femmes qui se sentent survivantes, d'autres qui se sentent simplement femmes complètes, belles, normales. Et donc, la réparation, elle ne fait pas toujours partie des besoins des femmes. Il n'est pas question pour vous de remettre les femmes en ordre de marche ? Non, ça, je... Non, pas du tout. Pas du tout. Souvent, on parle de ces femmes comme si c'était juste leurs organes génitaux qui marchent avec des petites jambes. C'est des femmes, des filles avec un cerveau, un corps, un cœur, une vie. Vous n'opérez pas systématiquement ici ? Nous, on a beaucoup de demandes, mais on fait la chirurgie finalement, je dirais, dans 20% de cas. Parce qu'une fois qu'on a donné l'information, fait la thérapie psychosexuelle, s'il n'y a pas de douleur, les femmes qui décident finalement qu'elles nécessitent une chirurgie, que ça soit, ça peut être pour différentes raisons, pour améliorer la réponse sexuelle, pour avoir un différents aspects du point de vue esthétique, pour des questions identitaires, de réparation symbolique, etc. Donc n'importe quelle raison, finalement celles qui ont vraiment la chirurgie, c'est pas beaucoup. Je parle de la reconstruction, pas pour toutes les autres complications. Déjà, il n'y a pas tous les types de mutilations génitales qui touchent le clitoris. Dans les types où le clitoris a été coupé, on sait que le clitoris mesure environ 12 cm, que la partie visible, c'est-à-dire le gland et le corps du clitoris, parfois sont coupés lors d'une mutilation génitale. Quand cela arrive, le clitoris reste palpable, voire visible souvent derrière la cicatrice. Il y a des femmes qui l'ont touché, qui savent qu'il se trouve là et qui répondent aux stimuli sexuels. Et leur sexualité marche bien. Bien sûr, la sexualité, c'est le résultat de plein de choses différentes, pas juste des organes génitaux. On examine les femmes avec un miroir ou avec un colposcope, c'est un écran où elles peuvent suivre l'examen. Et on montre l'anatomie féminine, on montre l'anatomie sexuelle. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais regardé, qui ne connaissent pas ni l'anatomie ni la physiologie sexuelle, qui ne savent pas qu'elles ont toujours un clitoris, qui ne l'ont jamais touché, ni elles, ni leur partenaire. Après, on explique la chirurgie, on montre des photos, et on explique qu'il n'y a pas beaucoup encore d'études qui montrent combien de femmes signalent une amélioration de la sexualité, de l'image corporelle, aussi une amélioration de la réponse sexuelle, ça peut dériver de plein de choses, pas juste du fait que le clitoris est plus visible et plus accessible, réexposé, mais aussi parce qu'on se sent plus belle, plus normale, plus complète, plus acceptée par la société ou par l'éventuel partenaire. Donc c'est difficile de faire la part de choses parfois sur les résultats de cette chirurgie. Alors, est-ce que c'est lié à l'anatomie ou c'est lié à tous les restes, ou probablement aux deux? Nathalie Recordon, avant de choisir une réparation clitoridienne, on vient vous voir pour suivre un protocole. Quel est-il ? Alors, le protocole qu'on a, la doctoresse Abdelkader vous le dira aussi, les patientes sont référées ici, donc je les vois, minimum 3 fois. Donc, on refait l'anamnèse, c'est-à-dire que je leur pose des questions sur leur vie, leur famille, sur leur justement quand a eu lieu leur excision, leur vécu de l'excision, les souvenirs qu'elles en ont, les répercussions que cette excision a eu sur leur vie. Donc j'évalue effectivement, vu que je suis psychologue aussi, j'évalue tout au niveau psychologique et psychiatrique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des antécédents psychiatriques ou psychologiques, est-ce qu'il y a déjà eu des suivis psychiatriques ou psychologiques, est-ce qu'il y a des médicaments, parce qu'effectivement les femmes doivent avoir une certaine stabilité psychiatrique pour faire l'opération, parce qu'il y a le risque qu'elles revivent. En tout cas, elles vont revivre certaines sensations très proches au niveau de la douleur. Donc, c'est important qu'on ait bien checké avant et qu'elles soient au courant Du coup, voilà qu'on en ait parlé avant. Parler aussi de cette éventualité que après l'opération, il puisse y avoir des réveils de certaines douleurs, de certaines images, de certaines sensations. Donc, c'est important qu'elle soit au courant. C'est vraiment pas une opération qui est anodine. Et effectivement, souvent, la première fois qu'elles viennent me voir, elles ont une certaine idéalisation. Elles se disent, ben voilà, je vais juste me faire opérer, puis après, je serai réparée, puis ce sera bon, comme si c'était juste un petit truc comme ça. Mais en même temps, des attentes énormes. Sabrine Elrazas. Moi, je sais pas ce que ça veut dire le mot réparation quand on parle d'une mutilation sexuelle féminine et encore plus quand on parle de réparation clitoridienne. Le fait est que l'usage de cette du mot réparation intervient dans un discours, dans une rhétorique où on va réduire les mutilations sexuelles féminines ou la sexualité à la simple réparation du clitoris. Qu'elle soit une réparation symbolique pour les femmes qui le demandent, je le conçois. Mais qu'on en fasse une réparation sacro-sainte qui va, de jour au lendemain, recouvrir une sexualité normale, entre guillemets, faire en sorte que les femmes seront plus heureuses, c'est faux, parce que déjà, les femmes qui demandent cette réparation-là ne peuvent pas comparer. Pourquoi ? Bah parce que elles ont toujours été mutilées, donc elles peuvent pas dire que avant j'étais bien et maintenant je suis pas bien. Voilà. Moi je trouve plus c'est plus une rhétorique encore une fois blanche, polissée, qui réduit la sexualité, qui ne prend pas en charge d'une manière plus globale les mutilations sexuelles, les conséquences en tout cas des mutilations sexuelles féminines, puisque encore une fois, pour réussir la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, il faut renforcer la prise en charge. Et si la prise en charge n'est pas pluridisciplinaire et donc globale, je pense qu'on passe à côté d'une réparation globale des mutilations sexuelles féminines. Peu d'études ont été menées même sur l'acte chirurgical même. Oui, alors non seulement peu d'études ont été menées, mais en plus, même les études qui ont été menées ne donnent pas, ne démontrent pas en tout cas, des données qui puissent dire que effectivement, après une réparation, la sexualité est plutôt satisfaisante. La question qui se pose, c'est est-ce que la réparation clitoridienne est nécessaire ? Qui se la pose ? Les femmes ? Vous, la psychologue ? La chirurgienne ? On se la pose tous, je pense à une, enfin toutes du coup. Quand les patientes vont au bout, c'est qu'elles sentent que cette réparation est nécessaire, qu'elle le sera autant au niveau physique qu'au niveau symbolique, et qu'elle leur permettra justement d'être réparées d'une certaine manière. En fait, c'est toute la question de la réparation symbolique. C'est légitime. Que des femmes, que des jeunes femmes ou moins jeunes prennent conscience de la nécessité de reconstruire le clitoris, c'est légitime. Est-ce pour autant suffisant ? Là est toute la question. Et je ne pense pas qu'une réhabilitation des fonctions du clitoris ou d'une reconstruction du clitoris va suffire pour que des femmes puissent oublier les conséquences ou les traumatismes ou le psychotraumatisme des mutilations sexuelles féminines. Chacune a le droit, finalement, d'appréhender, de vivre avec ce sexe qui a été mutilé. Chacune a sa manière de survivre, à sa manière aussi de vouloir peut-être ressembler aux autres femmes, d'avoir sa part de normalité. C'est légitime. Mais je pense qu'il ne faut pas croire que les mutilations sexuelles féminines se rétablissent avec la réparation du clitoris. Cette quête du plaisir, elle peut faire mal de se dire « mais moi aussi je veux absolument ». La quête du plaisir, la quête du désir est encore une fois est importante dans la vie d'une femme, dans la vie de tout chacun, je pense. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tout ramener au clitoris quand on parle de plaisir, quand on parle de désir. Et du coup, ça peut entraîner certaines femmes à vouloir tout de suite pratiquer la réparation pour un petit peu avoir ce plaisir. Mais moi, je connais des jeunes femmes qui ont subi la réparation du clitoris et qui, quelques mois ou quelques années, me disent que, écoute, ça, je ne sens pas grand changement. Mais bon, je l'ai fait parce que psychologiquement, ça me donne la sensation de ressembler aux autres femmes. C'est légitime. Je comprends, je respecte. Mais ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas mon combat. Moi, j'ai refusé la réparation du clitoris. Je l'ai refusé parce que, justement, je ne voulais pas tomber dans ce discours unilatéral, linéaire, à savoir qu'en réparant le clitoris, eh bien, j'aurai une sexualité satisfaisante. Voilà. Moi, j'ai refusé cette réduction-là du désir. Je trouve que le désir et le plaisir, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et beau en même temps, et que ça ne peut se faire dès lors qu'il y a un partage d'attention, une entente aussi, une communication entre les deux, et les choses et le rapport se feront et encore plus fort. Ça veut dire retravailler son imaginaire. Moi, quand j'ai découvert que j'étais... Quand j'ai pris conscience que j'ai été excisée et infibulée, j'ai essayé d'adapter un petit peu mon sexe, quoi, parce qu'il était complètement fermé, donc il n'allait pas agir ou réagir comme d'autres sexes, ou d'autres vulves en tout cas. Bah, du coup, je me suis plu et je me suis amusée à imaginer. Et je pense que plus j'imaginais et plus... Ça me calmait dans ma colère de ne pas avoir plus ou moins un sexe qui ne ressemblait pas aux autres. Et je m'en amusais d'autant plus que quand j'avais des amantes avec qui je prenais le temps, ça se passait plutôt bien. Alors que c'était une vue complètement fermée. Mais je pense que c'est parce que j'ai pris le temps de parler avec mon sexe, j'ai pris le temps de parler avec mon corps, j'ai pris le temps de m'envoler, de rêver, d'imaginer, de dessiner, que j'ai pu finalement avoir un contact, ou en tout cas des rapports avec mes amantes, plus sereins et forcément des interactions plus joyeuses, et plus complète, vraiment. C'était très beau. Et encore une fois, je ne regrette pas de n'avoir pas pu faire la réparation du clitoris. Pour moi, en tout cas, c'est pas là que le désir et le plaisir se jouent. Amour, amour, amour. Comment est-ce qu'on peut évaluer la réponse sexuelle et comment est-ce qu'on peut aussi évaluer la douleur? Parce que tout au long d'une vie, d'ailleurs, ça change. Hein, mais... C'est une très bonne remarque et c'est problématique parce qu'il existe, alors pour la douleur, on a des échelles, par exemple des échelles visuelles avec des petits visages qu'on peut cocher entre peu de douleur et beaucoup de douleur, ou des échelles numériques. Alors ça peut être une évaluation. Après, il y a aussi des évaluations objectives vraiment de la douleur, mais l'évaluation subjective est déjà un peu précise avec ces échelles. Mais pour la sexualité, c'est très difficile. Par exemple, quand en 2007, déjà, on avait fait une étude sur la sexualité dans une population migrante en Italie. On avait fait des focus group qu'avec les femmes, avec les hommes et avec les deux ensemble. Et parfois, même avec les mots, les deux sexes n'étaient pas d'accord. Par exemple, pour le mot « orgasme », en somalien, il y avait plusieurs mots pour le dire. Docteur Yasmine Abdulkadir, vous nous dites que on ne sait pas, après réparation, si ça va mieux. Il faudrait des études où on puisse étudier, en fait, la satisfaction à terme de l'image corporelle, mais évaluée par la femme même, pas par les chirurgiens, parce qu'on est biaisé, bien sûr. On a envie que ça soit un joli résultat. Il faudrait aussi évaluer la période post-opératoire, pas juste à 3 mois, 6 mois, mais aussi à 1 année, 3 ans, donc un suivi à long terme. Et la sexualité, c'est aussi un apprentissage. Donc, probablement que l'évaluation 6 mois après, juste 3 mois après la chirurgie, que la femme a repris les rapports, ça ne va pas être la même chose 1 année après. Donc, il y a plein de choses qui restent à évaluer. Ce qui m'inquiète parfois, c'est les discours qu'on peut voir sur Internet. Parce que j'imagine quelqu'un de jeune qui peut-être découvre la sexualité, qui a été excisée quand elle était petite. Et c'est quelqu'un qui peut être vulnérable et on pourrait, avec des risques en fait, d'exploiter ses attentes et ses besoins. C'est pour ça que je dis que l'information est très importante. J'ai vu vraiment des discours où la chirurgie est présentée comme une solution miracle, avec pas toutes les informations scientifiques. Et pour vous, lorsque vous avez décidé assez jeune d'être désinfibulé? Alors, la décision de la désinfibulation était très fondamentale pour moi. Elle était fondamentale d'une part par réparation psychologique, honnêtement. C'est-à-dire que vous avez décidé vous-même de, comment on appelle ça, de toucher ou de marquer mon sexe. Là, maintenant, c'est moi qui décide de l'avenir de mon sexe, premièrement. Et la deuxième chose, c'était pour mes amantes. Je ne voulais pas que mes amantes soient un petit peu contrites ou tristes ou alors se posent mille questions. Voilà. Et je l'ai décidé moi-même. Et symboliquement, d'ailleurs, j'aurais pu la faire en France. C'était pour moi symbolique et politique de la faire à Djibouti. L'acte des mutilations sexuelles féminines s'est fait à Djibouti. Et je voulais que cette désinfibulation se fasse aussi à Djibouti. Et à partir de ce moment-là, c'était pour moi comme une espèce de peut-être de renaissance. C'est-à-dire que c'était un juste retour des choses. Justice était faite. C'est mon corps, c'est mon sexe, c'est ma vulve, c'est ce qui reste de mon clitoris, ce sont mes petites lèvres, ce sont mes grandes lèvres. C'est moi qui suis patronne de tout ça. Pas vous. Pas vous, les hommes, pas vous, les traditions, pas vous, la culture, pas vous, la religion, pas vous, papa, maman, personne. Il n'y a que moi et que je partagerai avec mes amantes. C'est tout. Amour, amour, amour. Au-delà du clitoris, se reconstruire, un documentaire de Nejma Bouakra avec Sabrine Elrazas, Armel Andrault, docteur Yasmine Abdoulkadir, Delphine Gardet, coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne à Bolivier. Doux plaisir des orteils à la cime des cils, tu me bois.